Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. Aujourd'hui, Camille nous parle de deux romans de Jack Vance. Hello chers auditeurs d'Audiolibris, Camille au micro, nouvelle chronique SF. Maintenant que nous en avons fini avec le cycle Hyperion de Dan Simmons, on va revenir pas mal d'années en arrière pour parler de Jack Vance et de deux de ses romans, Planète Géante et Les Langages de Pao. Alors tout de suite, le résumé de Planète Géante. Ils sont une poignée à avoir survécu à l'attentat qui a détruit leur vaisseau. Perdus sur la planète géante, monde reculé échappant à tout contrôle, ils doivent entreprendre un périple de 65 000 km pour rejoindre l'unique enclave terrienne. Quant à Apollon Zamp et à sa troupe d'Histrion, ils ont fort à faire à bord de leur bateau-théâtre. Entre la concurrence pas toujours loyale de leurs confrères, les attaques de nomades et l'ire des spectateurs, pas facile de gagner le concours dramatique le plus prisé de la planète géante. Surtout quand on projette d'y jouer la version locale d'une pièce de l'ancienne Terre, Macbeth. Donc Planète Géante date de 1957. Il est en deux parties. Une première partie donc raconte, comme je l'ai dit dans le résumé, une poignée de survivants d'un attentat. Et la deuxième partie raconte l'épopée d'un metteur en scène, Apollon Zamp, et de sa compagnie de théâtre. Alors c'est un autre genre de science-fiction, c'est sûr que ce dont j'ai parlé jusqu'ici, il n'y a pas beaucoup de technologie, enfin, c'est un peu, donc ce ne sont que des humains, il n'y a pas d'extraterrestres, rien, c'est uniquement l'humanité qui a colonisé d'autres planètes, et là donc nous parlons de la planète géante, de ce qui se passe sur la planète géante, et d'une partie seulement de la planète géante, nous sommes donc dans un petit coin de la planète géante. Et donc on nous parle de toute cette région, des cultures de cette région, et de plus on s'enfonce dans les terres, et donc voilà, des différentes peuplades de ce coin, mais on ne parle pas de toute la planète elle-même. J'ai acheté ces deux romans lors d'une convention, et donc bon, je les ai triés sur le tas, il y avait plein de bouquins SF partout. Alors je cherchais quelque chose de particulier, et donc en lisant ce résumé, j'ai cru qu'éventuellement je pouvais avoir la chance de trouver ce que je voulais. En le lisant, je me suis rendu compte que pas du tout. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on peut faire de bonnes surprises, même si on tape dans un univers complètement différent, avec une histoire complètement différente de ce à quoi on s'attendait. Pourtant, en relisant, je me rends compte que c'était pas si différent que ça. Je ne sais pas ce que j'ai compris la première fois avant de lire. Bref, quoi qu'il en soit. Donc c'est pas bourré de technologie, ou de robots, ou d'IA, ni de combat vraiment d'ailleurs, et c'est assez moyenâgeux, c'est très fantasy en fait, c'est un petit peu, il n'y a pas de magie ni rien, mais la fin c'est un peu quand même un univers fantasy plutôt que SF. Le seul côté SF c'est qu'on se trouve donc sur une planète colonisée par les hommes, et ce sont donc des humains qui ont quitté la Terre, à bord de vaisseaux spatiaux, et donc forcément ça en fait de la science-fiction. Mais après dans l'aventure elle-même, on ne peut pas vraiment dire que la technologie ait beaucoup de place ni rien, puisque c'est une planète peu développée où l'humanité est vraiment à un stade basique, donc parce qu'il n'y a pas beaucoup de technologie, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, et que donc les gens sont un peu livrés à eux-mêmes. Et donc forcément, il y a des clans qui mènent la terreur, il y a des massacres qui sont perpétrés, etc. Et donc ça fait quand même plus fantasy avec donc un voyage à pied ou à bord d'une monture locale dont je ne me rappelle plus le nom de l'espèce et puis ça n'apporterait pas grand chose à la critique. Par contre le style lui-même de Jack Vance je l'apprécie beaucoup, je trouve que parce que parfois quand on lit, c'est l'impression que j'ai, à lire des vieux romans, même de la vieille science-fiction, ah bon, là, comme c'est pas vraiment la science-fiction, en même temps, ça sort un peu du lot. Mais on peut avoir, bon, forcément, les périodes changent et les auteurs changent de style. Évidemment, en gros, il y a forcément donc des styles selon les époques. Et donc, pour ce roman de fin des années 50, je trouve le style de Jack Vance plutôt très agréable à lire, en fait, léger. Il y a pas de description lourde, il y a pas... Je trouve, enfin, c'est très léger, ça se lit, mais vraiment très rapidement. Il y a de l'action, il y a de l'aventure. Les, Enfin, oui, forcément, puisque bon, en même temps, s'il n'y avait pas d'aventure, il ne resterait plus rien, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de monde à découvrir. Surtout dans la première partie, dans le voyage, dans le premier voyage, il n'y a pas grand-chose à raconter non plus. C'est pas. Donc bon, enfin, il y a un petit peu d'action, il y a un petit peu d'intrigue, c'est tout. C'est une histoire légère, hein, ça se lit plus pour la détente que pour la réflexion, ça, c'est sûr. Voilà, il ne faut pas chercher une certaine quête. Enfin, si on est en quête de possibilités sur l'avenir de l'humanité, sur les conséquences de la technologie, sur les conséquences de notre société, de ce que nous allons devenir, c'est sûr qu'il ne faut pas lire ça. Il ne faut pas lire Planète Géante pour ces raisons. C'est plus un roman pour se détendre, en fait. Voilà, c'est de la fantaisie sur une autre planète et sans magie pour autant. Donc voilà, pour moi ça sort un peu du lot ce genre de truc, parce que ce genre de livre, pas de truc quand même, c'est péjoratif. Ça sort un petit peu quand même de l'ordinaire, enfin non, ça... Donc ça, pour moi c'est étrange quand même. Ce genre de livre, pour moi ça m'interpelle un peu parce que je trouve ça étrange. Parce que ça s'appelle, enfin c'est forcément de la science-fiction, mais en même temps ça n'en est pas. Et ça peut pas vraiment être de la fantasy non plus, alors je sais pas s'il faudrait inventer un autre terme pour qualifier ce genre de livre. Et donc la deuxième partie, par contre, donc c'est plus... Donc pour la deuxième histoire, c'est donc une troupe de théâtre qui apprend qu'il y a un concours, un grand concours de spectacle dans la capitale, dans une très grande ville qui se trouve en amont du fleuve, et donc ils remontent le fleuve à bord de leur bateau-théâtre pour présenter leur spectacle, et selon les cultures, donc, et tout au long de la remontée du fleuve, ils doivent s'arrêter de ville en ville pour gagner un peu plus le cœur des spectateurs. Et de ville en ville où ils s'arrêtent, de port en port, ce ne sont pas les mêmes cultures, et à chaque fois ils doivent retravailler un peu leur spectacle, parce qu'il y a certaines scènes, certains dialogues qui doivent être changés, puisque ça ne correspond pas aux cultures locales. Ça pourrait heurter les gens, et même leur attirer de gros ennuis. Donc voilà, il y a donc une compétition entre plusieurs bateaux théâtre, et surtout deux, donc celui d'Apollon Zamp, donc voilà, et celui de son principal ennemi. Donc voilà, et d'une mystérieuse belle jeune femme qui monte à bord du vaisseau d'Apollon Zamp. Alors donc bon, voilà, pareil, c'est toujours de la détente, mais dans un sens, on s'attarde, c'est intéressant quand même. Bon, il y a un petit peu de technologie du coup pour montrer un bateau théâtre futuriste. Et ça, c'est un côté sympa. Donc l'histoire en elle-même, bon, il y a un petit peu d'humour, je trouve. Bon, le ton est léger. Un petit peu plus léger que dans la première partie, d'ailleurs. Et que, bon, c'est bon enfant. Voilà. Tout simplement. Et bon, de toute façon, je dis, c'est de la détente. Pure et simple. Donc voilà, faut pas chercher plus loin. Mais bon, ça... Pour ceux qui aiment des aventures intergalactiques, pour ceux qui veulent en tout cas lire des aventures sur une autre planète avec des humains et des nouvelles cultures, puisque là ce sont des nouvelles cultures quand même, puisque donc ce ne sont pas des cultures terrestres, ce sont des cultures qui ont été créées sur place. Donc voilà, avec des pionniers qui se sont intéressés, avec des pionniers qui se sont installés et qui ont créé leur propre culture. Donc du coup, oui, on apprend quelques petites cultures, tout ça. Bon, voilà, c'est de la détente, c'est de la science-fiction de détente. C'est sympa, voilà. Après, à vous de voir si vous voulez le lire ou pas, mais en tout cas, pour moi, ça... Ce n'est pas du tout une obligation ni rien. On peut très bien vivre sa vie sans l'avoir lu. Il n'y a aucun problème. Mais bon, mais sinon, c'est très sympa, quoi. Le style ne fait pas du tout vieux, rien. C'est simple, léger, et ça n'a aucune prétention, ça c'est sûr. Voilà, ça détend. Et ça distrait. Pour le deuxième, quand même, qu'on en parle un peu, Les Langages de Pao, qui est beaucoup plus court, puisqu'il n'y a qu'une seule histoire. Mais bon, elle est un peu plus complexe. Alors voilà. Lorsque son père est assassiné, Behran Panasper, 9 ans, devient le panarque légitime de la planète Pao. Mais Bustamante l'évince et tente de le tuer. Le garçon ne doit son salut qu'à l'aide de Palafox, seigneur de la planète Fraca. Les motivations de ce dernier ne sont pas désintéressées, mais Behran n'a pas d'autre choix que de suivre l'éducation dispensée sur la planète de son sauveur. Pendant ce temps, Pao, planète pacifiste, se laisse envahir par un peuple belliqueux, les Brumbos. Seule solution, remodeler les langages de Pao afin de donner à la population paonaise l'élan guerrier nécessaire à sa survie. Alors là, toujours du Jack Vance, donc les langages de Pao, c'est davantage de la science-fiction, c'est pas du tout de la fantasy. Donc voilà, on se balade plus entre trois planètes et trois peuples. Entre deux planètes et trois peuples, plutôt. On a les Paonais de Pao, on a donc les habitants de la planète Fracas, et donc les méchants Brumbos. Mais on ne va pas sur leur planète, donc on s'en fout. À part qu'ils envahissent, donc, et qu'ils sont dangereux, que c'est l'ennemi à combattre. Oui, donc ce ne sont que des humains, encore un coup. J'ai hésité quand même en lisant ça. Je savais pas trop au début si c'était... Si on avait le droit à des extraterrestres sur Pao, c'était des humains ou si c'était des extraterrestres. Et puis bon, bah non, il n'y a que des humains partout. Comme ça, je vous évite de vous poser la question quand vous le lirez. De toute façon, on finit par l'apprendre, évidemment. Enfin bon, ça finit par être indiqué et puis il y a une phrase par-ci, par-là qui fait que... Ah bah oui, pour finir, ce sont des humains. Donc voilà, on n'a pas le droit à des extraterrestres. Et c'est un peu dommage, j'aurais aimé ça. Mais bon, c'est pas grave. On a donc des humains installés sur plusieurs planètes. Donc on a surtout la culture paonaise. Mais donc sur Fracas aussi, on a le droit à leur culture. L'aventure de sur planète Fracas ne se situe que sur une partie de la planète. Donc du coup, on ne découvre pas la culture de la planète elle-même. Tandis que sur Pao, il y a 8 continents. Et donc on parle un peu des 8 continents. Donc déjà, c'est un peu intéressant. Et donc on parle un peu de la culture de la planète en général. Et il y a quelques... Oh, l'histoire est... Bon, voilà, le panarque assassiné par quelqu'un qui veut prendre sa place sur le trône et qui veut gouverner la planète à sa place. Et l'héritier qui s'échappe et qui reviendra pour récupérer ce qui lui appartient. C'est du vu et revu, bien sûr. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas le lire. C'est intéressant quand même. Il y a des bonnes surprises, il y a des bonnes réflexions quand même. Il y a des... Surtout, donc, bon, le langage de Pao, pourquoi ? Donc voilà, parce que, donc, comme dit dans le résumé, les Paonais sont un peuple terriblement pacifiste qui ne peuvent pas se battre. Et donc, forcément, quand ils se font envahir, ils sont incapables de se battre. Ils sont résignés, ils se laissent faire. Ils ne prêtent. Voilà, l'ennemi arrive, bon, on leur prend leur terre, on leur prend leur planète, ça ne les dérange pas de devenir désasservis. Le sauveur de Beran Panaster, l'héritier du trône, va donc l'élever sur Fracas pour le préparer avec une nouvelle langue, puisque la langue paonaise, en fait, donc on suppose que toute la base de la culture est aussi transmise par la langue, et que comme la langue paonaise est pacifiste, le peuple ne peut pas être autrement. Voilà, ne peut pas avoir un autre comportement qu'un comportement pacifique. Donc il y a déjà ça, c'est le point le plus important, on va dire. Donc voilà, il y a quelques explications de la part du sauveur qui expliquent la fonction d'un langage, à quel point un langage peut influencer le peuple qui le parle. Donc c'est de la vraie science-fiction, au moins. Après, bon, voilà, il y a un petit peu de réflexion, il y a quelques petits éléments intéressants, l'histoire est gentille. L'histoire est quand même intéressante, je veux dire, ça se lit sans problème. Et personnellement, je l'ai préféré à Planète Géante. Donc voilà, donc sachez que dans les deux romans, vous avez le droit à des humains, partout, pas d'extraterrestres, nulle part. Et que donc, pour les amateurs de vraie science-fiction avec de la technologie et où ça se passe dans le futur en vrai, vous avez les langages de Pao. Et pour ceux qui aiment un mélange de science-fiction et de fantasy, d'une façon très étrange, bah, y a Planète Géante. Merci d'avoir écouté cette émission et à la prochaine. Merci Camille. Vous pouvez la contacter via son site internet à developpeur.site.web.free.fr. Merci de votre attention. À bientôt.